Mesdames et messieurs, le marathon de Paris va commencer. À vos marques, prêts, partez! Eh ben dis donc, il faut avoir du courage pour faire ça, hein. Surtout par un temps pareil. Ah bien sûr, toi le sport, c'est dans ton fauteuil devant la télé. Ce n'est pas vrai, je marche beaucoup. C'est moi qui vais promener le chien 3 fois par jour. Tu parles d'un sportif. Et quand j'étais jeune, moi aussi j'ai fait beaucoup de sport. J'ai même participé au championnat d'athlétisme de la ville de Paris. C'est étrange, je n'ai jamais vu la coupe que tu as gagnée. Ben, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas terminé toutes les épreuves. Mais l'important, c'est de participer.